Et oui, à 20h, quasiment tous les mercredis, c'est la saga des Favreurs. Et vous l'entendez, j'ai quand même un petit peu pas mal récupéré ma voix. Toujours ma voix sexy, mais... J'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Favreurs numéro 658. Et nous mettons en valeur ce soir l'album Revolver édition Super Deluxe, parce que ça fait 60 ans cette année que Revolver est sorti, et c'est un album phare avant Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band et qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Donc on va en parler plein de fois, mais on écoutera notamment Eleanor Rigby, Among the Sleeping and Your Bird Can Sing, Here, There and Everywhere, Rain, qui est sur le coffret, Taxman et Tomorrow Never Knows, auquel on ajoutera Got to Get You Into My Life. Il y aura également du McCartney, du Lennon et du Harrison. Pour McCartney, on commencera avec Maybe I'm Amazed. Ah oui, j'ai voulu être dans les hits fabuleux ce soir, ça me faisait envie. John Lennon, par les temps qui courent, il était normal qu'on diffuse Imagine. Imagine un monde en paix, avec pas de religion, rien qui puisse nous embêter, où tout le monde vivrait le temps qui passe et en paix, ouais, où tout le monde s'aime. Ce serait bien. C'était en 1971. Quant à George Harrison, lui, alors c'est le contraire. Il nous parlera de The Art of Dying, l'art de mourir. Quant à Ringo Starr, ce sera Waiting sur l'album Bocoups of Blues. Voilà. Pour le reste, je vous propose d'aller sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four et on discute de cette émission qui est la numéro 658. Et tout va très très bien se passer. Première partie, Eleanor Rigby, la deuxième prise. Stop me if the tempo is not fast enough, Paul. One, two, three, four. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Les Beatles sont un groupe de rock, rock-pop. Et là, il n'y a aucun Beatles. Il y a seulement des violoncelles, des violons. Et c'est très original, une chanson pop qui est comme ça. Surtout lorsque, à la fin, ça donne ça. Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people.

et Paul McCartney se cherche. Paul McCartney est perdu sans les Beatles. C'est lui qui a donné la fin parce qu'il s'est rendu compte que plus personne n'en voulait. Mais au départ, 1970 et jusqu'en 72-73, il avait tout le monde contre lui. Et non seulement ses trois autres copains, mais également la presse, qui essayait de réduire à zéro. Il a failli ne plus rien faire. C'est grâce au soutien de sa femme qu'il a réussi à s'en sortir, sa femme Linda. Et il en a profité pour d'abord la remercier et puis composer cette chanson pour elle. Maybe I'm Amazed. Très, très belle chanson qui aurait pu évidemment bien entendu sortir du temps des Beatles. Elle serait passée crème, une superbe chanson. Et celle-ci. Je suis révulsé à l'idée que Yoko Ono a osé se mettre en co-auteur. Inspiratrice peut-être, mais co-auteur sûrement pas. C'est du grand Lennon. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Que quelquefois, certaines personnes qui connaissent beaucoup moins les Beatles ont osé me dire « Mais cette chanson, imagine, c'est des Beatles ?» Non, c'est de John Lennon. Néanmoins, je te pardonne, c'est toi qui as pensé que c'était des Beatles parce que ça aurait pu être des Beatles. C'est une très, très belle chanson. Et voici George Harrison, celui qui a mis tout le monde par terre en 1970. On s'attendait à ce que Paul McCartney ou John Lennon deviennent numéro 1. Le premier numéro 1 post-Beatles, c'est George Harrison avec My Sweet Lord et ce superbe album All Things Must Pass. Je vous ai extrait une autre chanson, The Art of Dying, sur RIG, forcément. When all of us must leave here, when

do that. What's the balance like? Isn't that crazy? I'll just have to vamp it up a bit. Now he tells me. How are you gonna get me? Is that all right? Okay, let's hit this, shall we? Ah, look. Are you gonna sing, or ain't you? Hang on just a second. Malcolm, have you got this by a plectrum, please? I guess I got it in there. I want some milk to be wild. La version brute, version de travail des Beatles, toujours un peu bordélique quand il y a John Lennon. Bon, c'est pas grave, mais voilà, il y a encore du boulot, notamment pour les guitares inversées. Et ce que j'ai appris cette semaine, et oui, on peut passer 40 ans à faire la saga des Fab Four et ignorer encore des choses sur les Fab Four, c'est que le qu'on entend, moi je croyais que c'était John Lennon qui le faisait. Et en fait, ce serait John Lennon qui a dit à Paul McCartney, vas-y, bye. Et lui, McCartney, s'est exécuté. C'est donc Paul McCartney qui baille dans la version finale que voici. Écoutez bien. Please be where I am. I'm only seeing. getting closer. I'm getting closer to your heart. Even ahead of the rain on the road, watching my windscreen wipers. Radio playing me a dance of blues. Cattle beware of snipers. When will you see me? My sour manner. Don't try to tell me. Oh no, don't answer. Oh no. I'm getting closer. Laissez le CD tourner jusqu'au bout, sinon on va jamais arrêter Back to the Egg. Hein? Voici Handle with Care, les Traveling Wilburys. Been beat up and battered around. Been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's terrible, but baby, you're adorable. Handle me with care. Somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed in daycare centers and night schools. Handle me with care. Stepping up.

C'est beau, très, très très beau. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles, le mercredi entre 20h et 22h, tous les mercredis. Sauf à partir de... Enfin, tout sauf en juillet et août, où là on met une pause pour tout le monde, parce que moi, au niveau boulot, c'est à fond. Et puis ça fait du bien de s'arrêter un petit peu pendant 2 mois pour revenir dans la joie et la bonne humeur au mois de septembre. On n'en est pas encore là, puisque nous ne sommes qu'au mois de janvier. C'est la saga des Fab Four numéro 658. Et l'album de la semaine, c'est l'album Revolver Super Deluxe Edition, sorti en 2022. Et je vous propose la chanson suivante, And Your Bird Can Sing, la version 1, il me semble, prise numéro 2. On l'écoute et on en parle. 1, 2, 3, 4. Thank you. voit le boulot entre la version de travail, celle que vous venez d'entendre, et la version finale. Attention, ça veut pas dire que la version de travail soit mauvaise, ça veut dire qu'ils tentent des choses, et puis si c'est pas extrêmement parfait, ils font autre chose. Pour quelle raison il faut avoir la version Super Deluxe quand on est fan? Parce que c'est un album ouvert, humain, hésitant. Il montre le travail, les doutes, les bifurcations. Il démystifie, mais sans désacraliser. Alors que l'album fini, celui qui est sorti en 1966, eh bien il est fermé, il est maîtrisé. Il n'y a aucune aspérité visible, c'est la sensation d'évidence intemporelle. Voici la même chanson, And Your Bird Can Sing, version finale en 1966. Little love, we can lay it down. Little luck, a little luck. avec un peu de chance, en 1978, sur l'album London Town. Paul McCartney mettait pour la première fois les synthés à l'honneur et il le fait avec, évidemment, un grand succès parce que Paul McCartney est très très bon. Ça vous surprend, hein? La saga des Fab Four, c'est la radio de Paul, John, Ringo et George, alias les Fab Four, alias les Beatles. Cette émission existe depuis 1984 et j'ai le plaisir de vous la présenter depuis 15, 16 ou 17 ans, je ne sais plus, ici sur RIG 90.7. Et c'est bien, on a fêté les 30 ans ici sur cette antenne, les 40 ans sur cette antenne. Si nous arrivons jusqu'en 2034, nous fêterons les 50 ans de l'émission. Truc de dingue. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, l'album de la semaine, c'est l'album Revolver, sorti en 1966. Mais l'album Super Deluxe Edition, sorti beaucoup plus tard en 2022. Voici un nouvel extrait par deux fois, comme d'habitude, vous avez compris. Et là, c'est du grand, grand art. C'est Here, There and Everywhere. Voici la première version, la prise numéro 6. 1, 2, 3. To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the year, changing my with a wave of her hand, nobody can deny that there's something there running my hands through her hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love dies, watching their eyes and hoping I'm always there. I need her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. If the lover is to need her one, believing that love never dies, watching their eyes and hoping I'm always there. La version est légèrement plus lente, plus respirante. Voici la version finale, en équilibre absolu, en harmonie suspendue. Here, There and Everywhere, Paul McCartney et les Beatles sur l'album Revolver. Something there. qu'il aurait bien aimé l'écrire lui-même. C'était un rare compliment, ce qui montre à quel point il la respectait. Alors, je ne pensais pas que ce serait ça parlerait très fort. J'ai demandé à ChatGPT si John Lennon avait fait un commentaire sur la chanson Here, There and Everywhere de Paul McCartney, et il m'a répondu que oui, John Lennon a beaucoup aimé, il aurait aimé composer cette chanson, vous l'avez entendu. Il ne tarissait pas d'éloges sur cette chanson-là, qui est du très très bon, du très très grand Paul McCartney. Où en sommes-nous ? Nous en sommes à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou en carrière solo, même si eux-mêmes, pendant la carrière solo ou pendant les Beatles, reprenaient une chanson eux-mêmes. C'est pas grave, l'important c'est que l'un des quatre ou les quatre l'ait chanté. Là, il se trouve que c'est un des pères qui le chante, en 1958, je crois. Il s'appelle... Oui, c'est Carl Perkins, en 1957, sur l'album Dance Album of Carl Perkins, avec cette chanson, Matchbox, sur RIG. Tell your big dog come. When the big dog gets here, show him what this little puppy done. Well, I said, hey, little woman, matchbox, hold my clothes. Yeah, I said, little woman, with a matchbox, hold my clothes. I ain't got no matches, got a long way to go. Faire une surprise. Je voulais faire un petit cadeau à mon ami Eric pour son émission Johnny de A à Z. Et c'est lui qui m'en a fait une, puisque ce soir, il ne sera pas là. Donc, on va faire une chanson bonus après le générique. On va passer déjà toutes les chansons sans en enlever aucune. Ce que je ne vous dis jamais, c'est que lorsque je suis avec Eric, même si je déborde un peu, j'enlève des chansons. Ah oui, quelquefois une, deux, quelquefois trois. Et là, quand il n'est pas là, ben, j'en profite pour tout passer. Donc, la chanson que je voulais dédié à mon pote Eric et à son émission, c'est une reprise de She's a Woman sur l'album Hallelujah en 1965. C'est On a ses jours de fête, chanté par Johnny Hallyday sur RIG. «

Alors voilà pourquoi j'ai passé d'abord la version finale, parce que la version d'origine n'est pas à cette vitesse. Et vous allez juger du boulot de Monsieur Ringo Starr. Elle est plus rapide. Voici la version. Pour faire une ambiance plus pesante qu'ils l'ont enregistré à cette vitesse-là et qu'ils ont ensuite ralenti la bande de façon à... Bah, quelquefois, quand il pleut, oui, l'atmosphère est pesante. Donc, chapeau. Alors, chapeau pour Ringo, mais chapeau pour Paul. Vous avez entendu la basse ? Quelle basse ! Il est bien, ce Paul, il est fort. Vous êtes avec Thierry Gallet jusqu'à 22h, un poil plus, parce qu'on va déborder un petit peu. C'est la saga des Fab Four numéro 658, et tout va très bien à bord. Donc on continue la saga avec la suite. La suite, c'est du Ringo sur RIG. C'est la saga. Et après Ringo, ce sera George Harrison. How long I'll last, but I've got to get moving and moving fast. I've got to break through to the other side. I've got to run, I've got to fly. Free, free, running free. That's the way I was meant to be. Free, free, running free. Freedom looks pretty good to me. Love You. C'était en 1974 sur l'album Extra Texture, Read All About It. Vous savez d'où vient le nom de cet album? Je vous l'ai déjà dit, si vous écoutez régulièrement la saga, vous le savez. George Harrison n'a jamais été très fort et pour les titres des chansons et pour les noms des albums. Pour cet album-là, en 1975, il a pris un paquet de pâtes. Alors, est-ce que c'était des pâtes, des spaghettis? J'en sais rien. Mais sur l'album, sur le paquet de pâtes, il y avait marqué Extra Texture, Read All About It. Il a pensé que c'était un bon nom d'album et il en a fait cet album-là, orange, bizarre, mais sympa. Harley. Voici l'album de la semaine. Two, three, four, one, two. Quelques petites différences. George s'exprime enfin. Par contre, là où il a eu les boules, peut-être, monsieur George Harrison, c'est que le solo n'est pas un solo de George Harrison, mais c'est un solo de Paul McCartney. One, two, voici la version three, finale. Four, one, two. Too small. Voilà, c'est bien, hein, voilà. Je vous propose aussi un John Lennon. Si on y pense, ça fout les boules. J'ai un problème avec les boules aujourd'hui, on dirait. Oui, parce que en 1980, il nous fait une démo qui s'appelle « La vie commence à 40 ans ». « Life begins at 40 ». Il y croyait, je me souviens d'une interview dans laquelle on l'entend dire « J'ai 40 ans, je me sens bien, j'ai tout l'avenir devant moi ». Et là, ce ne sera pas le cas. Donc voici cette chanson qui n'est jamais sortie, à part sur une anthologie Lennon, et qui aurait pu être une belle chanson, qui aurait pu être quelque chose de bien. Alors là, bien sûr, il y a une boîte à rythme, et c'est vraiment une démo, rien d'extraordinaire. And in return for Miss Yoko Ono's wonderful gift of a very strange hair, I'd like this morning to sing you a little ditty that occurred to me in the throes of my sleep. It's called Life Begins at 40. Forevermore, and I tell you it's a cold day.

Franchement, c'est bien. C'est très, très bien. C'est Ringo Starr en 1998. Dites donc, ça passe vite. 1998, 2008, 10 ans. 2018, 20 ans. 2028, l'année prochaine. Non, dans 2 ans, 30 ans. Oh, qu'est-ce que ça passe vite. Bien, ben revenons bien en avant. En 1966, lors de l'album Revolver. Et moi, je vous propose la version coffret, la version super deluxe édition. Je vous propose d'abord la prise numéro 1 avec une chanson presque gentille et suivra la version que vous connaissez de Tomorrow Never Knows, la transe hypnotique, la voix, la compression massive, la voix de Lennon comme dans un mantra. Mais ça, ce sera pour la deuxième version, la version finale. Et on peut vous dire d'ailleurs que sans Geoff Emerick et le studio, ce titre n'aurait jamais eu la tessiture, le style que l'on connaît. Parce que c'était ça le problème entre Paul McCartney et John Lennon par rapport à George Martin. McCartney, la plupart du temps, hein, je vais généraliser, arrivait en disant « voilà ». Ma chanson, voilà où je veux aller, je vais d'un point A à un point B. Et George Martin pouvait influencer quand même un petit peu, quelquefois donner des conseils, mais McCartney savait où il voulait aller. Lennon lui disait, alors, voilà ce que j'ai au départ, et je voudrais que ma voix sonne comme si j'étais au sommet du Tibet, débrouille-toi. Une autre fois sur un autre titre, les deux morceaux de la chanson n'étaient pas au même tempo, il avait dit à George Martin, débrouille-toi pour que ça passe. Et Martin avait ralenti la deuxième phase pour que ça passe. Bah voilà, heureusement qu'il était là, George Martin aussi. Allez, on écoute Tomorrow Never Knows, la Take One, la première version, la première prise de cette chanson. Alors attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que Lennon était moins bon que Paul McCartney. Même si je le pense un peu. Mais Lennon avait des traits de génie absolument fabuleux. Et c'est pour ça que ben, c'est aussi quelqu'un qu'on a retenu à travers les années. Voici la version finale. Tomorrow Never Knows, c'est autre chose. En fait, Tomorrow Never Knows, c'est un Ringo-isme. C'est-à-dire Ringo, un jour, a dit Tomorrow Never Knows, ils ont trouvé ça bien.

C'en est terminé de l'album de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? L'album Deluxe ne remplace pas l'original de 1966, mais on comprend le Revolver de 1966 grâce à la version Deluxe. Pour les fans, c'est quelque chose qu'il faut avoir parce que on voit les Beatles travailler et on comprend que les chefs-d'œuvre qu'ils ont faits ne sont pas sortis chefs-d'œuvre tout de suite, même si les versions de Boulot sont bien faites. Il n'y a pas de problème. Allez, nous aurions dû rendre l'antenne, mais comme Eric n'est pas là, on prolonge un petit peu. Deux chansons de plus, mais assez longues. Je vous propose la première, Isn't It a Pity, la version 1. Et puis on terminera avec Wawa, de George Harrison de la même année de 1970, sur RG, c'est cadeau. Isn't it a pity? compte que pendant des années, je n'avais pas fait attention que derrière on entend la la la la la la la la la la la. Hey Jude, non, il ne le dit pas Hey Jude, mais il a fait un clin d'œil. Mais je ne m'en étais même pas rendu compte. Honte à moi. Allez, encore, ce sera le dernier morceau. Voici Wawa sur RG. On monte encore le son, encore plus fort, d'un étage. ainsi que se termine la 658e édition de la Saga des Fab Four. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. N'oubliez pas, lorsque Eric n'est pas présent à l'antenne juste après moi, il y a un petit bonus juste après le générique. Et je pense que c'est une chanson live qui va faire plaisir à Pascal Dupont. Il me semble qu'il m'en a parlé la semaine dernière. Si ce n'est pas cette chanson-là, c'en était une autre quasiment la même, mais ça doit être bien. En tout cas, ça va lui plaire à tout le monde. Oui, c'est du Paul McCartney, absolument. Bon, je vous souhaite une bonne semaine à l'écoute des programmes de RG et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, même joie de retrouver John, Paul, Ringo et George. C'est la seule émission hebdomadaire, donc toutes les semaines depuis une éternité sur la radio, c'est la Saga des Fab Four. Parlez-en autour de vous, c'est sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. À bientôt, bisous filles, point de main aux garçons, ciao. Yeah.